voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, internetdesport.com a appris en primaire que la ville de Dolbeau-Mistassini annoncerait lundi que le projet Aqua Gym va de l'avant. Selon ce qu'on a été possible d'apprendre, ben, semble-t-il que ce serait un projet qui serait plus petit que initialement prévu. Il fallait prendre une décision rapide dans le cas de ce dossier, car à la fin mars, toutes les subventions tombaient. Donc, on va suivre le dossier de près. Ça va être annoncé lundi officiellement. Les Saguenayens de Chicoutimi ont été éliminés hier. Les Saguenayens qui ont perdu par la marque de 6-3 contre l'Océanique de Rimouski. Donc, pour évidemment être éliminés. Faites à noter que dans le match du côté des Sags, à noter que Hendrix Lapierre a marqué un but. Il y a également du côté aussi de Vladislav Kotkov et William Dufour. Donc, les Saguenayens qui ont perdu en 4 matchs. Il faut dire que ça a été quand même très serré dans 3 matchs sur 4. Maintenant, dans la Ligue Junior Régionale hier, c'était la présentation du deuxième match entre les Marquis de Jonquière et les Éperviers de Normandin. Et les Marquis l'ont emporté par la marque de 5-2 contre les Éperviers. Faites à noter dans la rencontre que pour les Éperviers, que David Gagnon a marqué un but et a amassé une passe, et il y a Guillaume Tremblay qui a aussi marqué. Également, ben, ça approche à grands pas la conférence de Pierre Vercheval qui aura lieu à la Chambre de commerce de Robertval. Ça aura lieu d'ailleurs jeudi prochain à la Chambre, donc il est encore possible de s'inscrire. Donc il en coûte 30$. Donc pour information et inscription, vous appelez à la Chambre de commerce de Robertval. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Frédéric Degg de la presse canadienne. On a parlé évidemment du projet du retour des expos. Ça en était rendu des deux jours au Stade olympique. Également, je me suis entretenu avec l'entraîneur de Bianca Andreescu, Sylvain Bruneau, dans une des entrevues les plus intéressantes qui m'a été donné de faire au cours des dernières années. Également, vous pouvez écouter Jacques Doucet qui revient sur les 25 ans ou encore l'ovation debout qu'il a eu lundi soir devant 25 000 personnes au Parc olympique. Et également, je me suis entendu avec Stéphane Debeau du Canadien de Montréal. Sport local et régional à DanRadioSport.com.